qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il voit qu'on ne voit pas tous les fois? Vous êtes comme moi, vous avez tendance à voir plutôt les choses négatives des fois. Hein? Mais quand les anges regardent, Dieu manifeste sa personne. Dieu révèle sa personne. Dieu montre qui est qui il est en faisant l'Église, en bâtissant l'Église, en sauvant l'Église. Il dit, regardez qui je suis. Regardez tous ces gens-là, tous ces paliers-là. Regardez-les bien et vous allez voir qui je suis. Moi, quand j'ai compris ça les premières fois, je me cherchais à lui et je disais, regardez-moi. Regardez-moi. Regardez-moi. Et vous allez voir comment Dieu est sage. Pourquoi tu dis à n'importe qui trop fort ce qu'ils vont dire? T'as été un peu mon honnête. Je ne sais pas si je vous ai déjà compté ça. Je fais juste une fois par mois, je peux dépenser mon temps un petit peu. J'étais dans mon petit village, c'est un petit peu, j'étais sauvé. Là, dans ce petit village-là, il y avait deux. Comme ça, c'était tout. On était arrivé avec tous les cultivateurs alentour. C'est pour ça qu'on disait, quand le dernier char rentre dans le village, le demain est déjà sorti. C'était tellement petit que là. Et, une fois, je perds mon levier. Ah, avoir 60 ans, c'est-tu acceptable? OK, donc je m'en allais. J'étais jeune chrétien, puis je marchais, là, je voyais dans mes yeux. Les gens ont vu les stars, regarder qui était le phénomène qui passait. Tout le monde savait que j'étais baptiste. Le seul baptiste dans tout le coin. Là, il y avait une autophone. Je savais que le prêtre parlait de moi le dimanche matin en chair. Il m'appelait le démon. Il disait que c'était le démon, qu'il n'y avait pas ce qu'il dit. Fait que les gens, ils m'ont dit qu'ils voulaient voir le démon. Puis là, je marchais un peu comme ça, tu sais, t'avais un petit peu la tête en bas. Puis Dieu m'avait dit, tu es mon fils. Lève-toi la tête. Marche-toi. Tu es mon fils. C'est toi qui dois le plus important du village. Marche-toi. Je me souviens, je reviens, c'est bon, tu étais dans ce village. Puis c'est, t'es spécial, t'es mon fils. Il n'y a personne plus que toi ici. Il faut se rappeler ça. On est quelqu'un de très spécial à cause de l'image Jésus-Christ. Très, très spécial. Et l'Église, nous, les gens, moi, ça me perd de voir que les anges nous regardent, me regardent, puis voient la sagesse de Dieu. Bon, c'est bon à se rappeler ça. Et selon le dessein éternel de Dieu qui a exécuté par Jésus à notre Seigneur, à qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous, païens, nous avons le même droit, la même capacité de s'approcher de Dieu avec pleine confiance. Les Juifs, quand ils pensaient de s'approcher de Dieu, les autres, ils en tremblaient. Ils avaient peur. Encore bien moins les païens de s'approcher de Dieu. Paul avait été arrêté dans le temple en tant que chrétien parce qu'on l'a accusé d'avoir emmené des païens dans le temple. Donc, si vous avez, vous autres les païens, le même privilège de vous approcher de Dieu que n'importe quel juif a aussi aujourd'hui qui est sauvé. Vous êtes des grands prêtres, vous êtes des sacrificateurs de Dieu. Vous avez le droit maintenant d'entrer dans la présence de Dieu avec pleine confiance. Il n'y a aucune peur. Aucune peur. Aucune crainte. Les enfants de Dieu ne devraient jamais, jamais avoir peur de se présenter devant Dieu. Jamais, jamais. Jamais. Et on termine avec le verset 13. Là, il dit aussi, je vous demande, vous autres les païens, de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Elles sont votre gloire. Je suis en prison à cause de vous. Mais est-ce que ça vous fasse un bien? Ne vous en faites pas. Sans cela, vous ne serez pas sauvé. Parce que j'ai accepté d'aller en prison, mais vous pouvez vous réjouir parce que c'est ça que vous avez salué. C'est ça que vous avez fait de vous des enfants de Dieu. C'est ça qui a fait de vous des hommes et des femmes que les anges dans le ciel regardent. Moi, je crois. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé le film Troie avec Brad Pitt. Il dit dans le film, à un moment donné, il dit, les dieux sont jaloux de nous. Je ne crois pas ça. Il dit ça, mais nous autres, on pourrait dire, est-ce que les anges seraient, en guillemets, jaloux de nous? Oui, on est au-dessus des autres. Hein. On va les juger, les anges, les mauvais, mais les anges sont nos serviteurs. On est au-dessus des autres, dans ce sens. Je crois pas que son loup, ça s'est péché, là. Mais ils nous regardent, puis ils sont éblouis en nous regardant.